Bonjour, ici Christian Martin. En mon nom et au nom de tous les bénévoles impliqués dans les livres audio et audio-drama que nous produisons, permettez-moi de vous offrir nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous entamons.